بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Alors l'auteur رحمه الله dit et que l'heure viendra inéluctablement, et donc nous devons croire que l'heure viendra inéluctablement, nul doute en cela, et qu'Allah tabaraka wa ta'ala ressuscitera les morts. Ils reviendront de la même façon qu'il les a créés la première fois. Et donc dans la croyance des gens de la Sunna, il y a la croyance en la résurrection. La croyance en la fin des temps, la croyance en la résurrection. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit dans son livre, Surat al-Hajj, verset 7. Et donc, si je ne me trompe pas, Surat numéro 22. Verset 7. وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا. Et que l'heure viendra, il n'y a nul doute en cela. وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ. Et qu'Allah ressuscitera ceux qui sont dans les tombes. Question. Allah ici nous dit qu'il ressuscitera ceux qui sont dans les tombes. Une personne est enterrée. Une personne du moins meurt. Et ensuite, on va donc brûler le corps de cette personne. Elle ne va donc pas être enterrée. Est-ce que Allah va la ressusciter aussi? Oui. Et donc ici, Allah Tabaraka wa Ta'ala, quand il nous dit qu'il ressuscite ceux qui sont dans les tombes, c'est-à-dire, c'est qu'en général, il nous cite une généralité. La généralité, c'est que les gens, une fois qu'ils sont morts, ils sont enterrés. C'est la généralité. Mais Allah Tabaraka wa Ta'ala ressuscitera tout le monde, que tu sois dans la tombe ou pas dans la tombe. Les savants sont unanimes, comme l'a cité Tahawi, rahimahullah, sur le fait que Allah Tabaraka wa Ta'ala va ressusciter ses serviteurs avec leurs âmes et leurs corps. Les deux, les âmes et les corps, seront ressuscités. Al-Jahmiya, il s'oppose à cela. Et il voit qu'il n'y a que les corps qui seront ressuscités, et pas les âmes. Que le corps. Pas l'âme. Et donc, Al-Jahmiya, il rejette cela. Pourtant, Allah Tabaraka wa Ta'ala qui dit dans le Coran, « Kam bada'akum ta'udun » De la même façon qu'il vous a créé initialement, vous retournerez. De la même façon. Avec un corps et une âme. Donc, dans Surat Al-A'raf, Surat 7, le verset numéro 29. Ensuite, l'auteur qui dit « Et qu'Allah, pureté à lui, a multiplié les hasanats de ses serviteurs croyants. » Et donc, nous devons croire qu'Allah a multiplié les hasanats, les récompenses de ses serviteurs croyants. Il dit « Tabaraka wa ta'ala, « مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَةً » Et donc l'exemple de ceux qui dépensent leur argent dans le sentier d'Allah, dépensent leurs biens dans le sentier d'Allah, est comme l'exemple est semblable à un grain qui fera pousser 7 épices. Fikulli sumbulatins mi'atu habba. Dans chaque épi, il y a 100 grains. Et donc les grains ont été multipliés. Allah Tabaraka wa Ta'ala qui dit Wallahu yudha'ifu liman yasha. Et Allah multiplie pour qui il veut. Surat al-Baqarah, le verset 261. Verset 261. Al-Baqarah, surat 2. Dans Sahih Muslim, selon Abi Hurairah radiallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Kullu amal ibn Adam yudha'af. Toutes les œuvres des enfants de Adam sont multipliées. Toutes les bonnes actions sont multipliées. El hasanatu bi ashri amthaliha. La bonne, donc la récompense est multipliée par 10. Ila sab'imi atidaf. Jusqu'à 700. Multipliée par 700. Et donc, Allah tabaraka wa ta'ala connaît la faiblesse de ses serviteurs. Et par miséricorde, Allah tabaraka wa ta'ala multiplie les bonnes actions. Et donc, il ne convient pas, barakallahu fikoum, qu'on néglige cela et qu'on laisse le temps passer. Profitons. Là, on est rentré dans quel mois, les frères? Charbel. Alhamdulillah, vous n'avez pas dit février. Alhamdulillah. Et donc là, on est rentré dans le mois de Charbel. Et donc, ça veut dire qu'il faut jeûner. Certains n'ont pas cette capacité. Ils sont malades. Alors, profite de ta santé avant que tu ne sois malade, comme il l'a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Profite pendant que tu peux jeûner avant que tu ne puisses plus le faire. Aïcha radhiallahu anha citait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait tout ce mois sauf une petite partie. Il jeûnait presque tout ce mois. Et donc profitez pour jeûner. Je sais, les gâteaux, le thé, mashallah, qu'Allah récompense tous ceux qui ont préparé ces petits goûters, ces douceurs, hein, entre les cours. Mais si tu peux jeûner pendant ce mois, n'hésite pas. N'hésite pas, car Allah tabaraka wa ta'ala multiplie les bonnes actions. Notamment le jeûne encore plus. Ce que je veux dire par là, c'est que Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit Kullu amal ibn Adam lahu. Toutes les œuvres de l'enfant de Adam sont pour lui. Illa sawm, sauf le jeûne. Sauf le jeûne. C'est moi, je rétribue par celui-ci, par le jeûne. Allah tabaraka wa ta'ala, il nous montre que le jeûne est spécial par rapport aux autres actions. Et que la récompense du jeûne est grande. Alors ne délaissons pas le jeûne. Jeûnons. Profitons, barakallahu fikoum. Ensuite, il dit l'auteur, rahimahullah, il leur a accordé le pardon par le repentir des grands péchés. Et donc, Allah, il a multiplié nos bonnes actions. Et en plus de ça, concernant les péchés qu'on va faire, alors les péchés se divisent en deux. On a les grands péchés et les petits péchés. Les petits péchés vont être effacés par les bonnes actions. Les petits péchés vont être effacés par les bonnes actions. Allah tabaraka wa ta'ala dit « Innal hasanat yudhibna sayyi'at » Certes, les bonnes actions effacent les mauvaises. Donc les petits péchés sont effacés par les bonnes actions. Les grands péchés, en ce qui concerne les grands péchés, il est impératif qu'on se repente à Allah tabaraka wa ta'ala. Est-ce que les petits péchés sont pardonner, est-ce qu'il y a des conditions pour le pardon des petits péchés? Oui. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, as-salawatul khams, les cinq prières. Et du vendredi à un autre. D'un ramadan à un autre. Tous ces actes-là sont des expiations de tous les péchés qu'il y a entre chacun d'entre eux. Si l'individu délaisse les grands péchés. Et donc la condition pour que les bonnes actions effacent les mauvaises actions, les petits péchés, il faut que la personne n'ait pas de grands péchés. Elle se soit repentie des grands péchés. Et les grands péchés, vous savez, ça arrive vite. Hein? Mashallah, la langue, elle débite. Ça va très très vite. Et donc c'est important, barakallahu fikoum, qu'on fasse attention. Aujourd'hui, les gens ne contrôlent plus la langue. On parle sur un tel et sur un tel. Les grands péchés, ça arrive très vite. Ne pensez pas, il ne faut pas que on pense « Ah non, moi, alhamdoulilah, j'ai pas de grands péchés, etc. » Non. On se repent à Allah tabaraka wa ta'ala. C'est important. Afin que nos bonnes actions puissent être une cause d'expiation des petits péchés. Ensuite, donc, concernant les grands péchés, il faut se repentir à Allah tabaraka wa ta'ala. Allah Azza wa Jal qui dit Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwa al-ghafurur rahim. Certes, Allah pardonne tous les péchés. Il pardonne tous les péchés, même le shirk. Oui, vous êtes sûr, même le shirk pardonne? Si, il pardonne. C'est-à-dire qu'il ne pardonne pas, c'est-à-dire... Qui dit qu'Allah pardonne le shirk? Levez la main, s'il vous plaît, j'ai envie de voir ça. Si, il pardonne. Inch'Allah, il y a des cours à Dieu. Pourquoi il pardonne? Pourquoi il pardonne le shirk? Hein? Et ceux qui disent qu'Allah ne pardonne pas le shirk? Allah ne pardonne pas le shirk. Ah, il y a moins de courageux, là. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup qui sont waqifa aujourd'hui, là. Beaucoup qui ne prennent pas de position. Hein? Allah, il pardonne le shirk ou il ne pardonne pas les frères? Bien sûr. Quand même, hey, on est en Martinique, il y a beaucoup de convertis ici quand même. Hein? Les frères, il y en a beaucoup. Il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de personnes ici. Ils étaient à l'église. Hein? Quoi? Avant la mort. Si, si. Allah tabaraka wa ta'ala pardonne le shirk si la personne se repent. À partir du moment où la personne se repent, Allah pardonne tout, même le shirk. Même si les musulmans. Oui, même si les musulmans, c'est un sujet de débat, mais oui, même si les musulmans. Et ça reste. Qu'Allah facilite. À partir du moment où la personne se repent, Allah pardonne tous les péchés. À partir du moment où, oui, il faut qu'elle soit vivante, la personne s'est repentie. Si la personne fait du shirk et qu'elle ne se repent pas, elle meurt là-dessus. Là, c'est fini, chaud. Et donc là, Allah tabaraka wa ta'ala ne pardonne pas. Parce qu'il dit tabaraka wa ta'ala Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah ne pardonne pas qu'on lui accorde quelconque associé. Mais il pardonne en dessous de cela pour qui il veut. Donc, concernant le polythéisme, il est important qu'on comprenne, concernant les grands péchés de manière générale, il faut absolument s'en repentir. Et le polythéisme aussi, mais attention, les savants ils nous disent, beaucoup de savants disent que dans ce sujet, il y a le polythéisme majeur et mineur. Parce que le verset est général. Le verset est général. Allah ne pardonne pas qu'on lui accorde quelconque associé. Et donc il se peut que la personne, elle commence sa prière. Elle commence sa prière, elle est bien dans sa prière, alhamdulillah. Et pendant qu'elle prie, il y a Yazid qui arrive. Ah, Yazid est là. Il faut que, mashallah, j'améliore la prière, alhamdulillah. J'embellis ma voix, je me mets bien pour Yazid, etc. pour qu'il voit que je suis quelqu'un de bien, concentré, etc. etc. Masha'Allah, Ria sur Ria sur Ria, ostentation à fond. La personne ne se repent pas de cela, c'est du shirk. C'est du shirk. On a le shirk majeur qui fait sortir l'islam, on a le shirk mineur qui ne fait pas sortir de l'islam. Mais ça reste du shirk. Et donc c'est très important, barakallahu fikoum. Allah nous a ouvert les portes du repentir, nous devons en profiter. D'ailleurs, on avait déjà vu le tafsir d'un verset dans Surat Al-Buruj. Vous vous rappelez, les frères, tout ce qu'ils ont fait aux croyants. Ils ont donc fait des tranchées dans la terre, ils ont tracé des tranchées dans la terre, dans laquelle ils ont mis du feu. Et ensuite, ils ont menacé les croyants. Est-ce que tu es croyant? Oui, dans le feu. Si la personne disait oui, elle était jetée dans le feu. On avait vu ça dans l'exégèse de cette sourate. Malgré tout ce qu'ils ont fait, Allah tabaraka wa ta'ala dit Inna alladhina fatanu al-mu'minina wal-mu'minat thumma lam yatubu falahum adhabu jahannam wa lahum adhabu al-hariq. Certes, ceux qui ont éprouvé les croyants et les croyantes, hein, en les jetant dans le feu comme ça, certes, ceux qui les ont éprouvés, puis qui ne se sont pas repentis. Alors ils auront le châtiment de l'enfer et le châtiment du feu, le châtiment brûlant. Et donc les savants du tafsir, ils nous disent, regardez ça, ici Allah tabaraka wa ta'ala, malgré tout ce que ces gens-là ont fait de mal aux croyants, Allah il nous dit qu'ils auront le châtiment du feu s'ils ne se repentent pas. Et donc la porte du repentir, elle est ouverte. Il leur laisse. La porte du repentir, elle est ouverte. Pharaon, malgré tout ce qu'il a fait à Béni Israël, il envoie Moussa vers Pharaon afin qu'il se repente. La porte du repentir était encore ouverte. Et donc Allah tabaraka wa ta'ala pardonne tous les péchés. Les sorciers, on a abordé ce sujet. Les sorciers, lorsqu'ils ont vu la vérité, lorsqu'ils ont vu ce qui s'est passé, lorsqu'il y a eu ce défi entre eux et Moussa, les sorciers, ils se sont jetés, prosternés. Et ils se sont repentis. Les savants du tafsir, ils nous disent ici, ces gens-là ont été pardonnés, ils se sont repentis. Et donc Allah tabaraka wa ta'ala pardonne tous les péchés. L'auteur qui nous dit, il pardonne les petits péchés s'il s'éloigne des grands péchés, comme on a vu. Et il a placé celui qui ne s'est pas repenti des grands péchés sous sa volonté. Celui qui ne s'est pas repenti des grands péchés dépend de la volonté d'Allah tabaraka wa ta'ala. Si Allah veut, il le pardonne. Et s'il veut, il ne pardonne pas. Celui qui s'est repenti, Allah pardonne les grands péchés. Celui qui ne s'est pas repenti des grands péchés, on parle ici, barakallahu fikoum les frères, le musulman. Parce que le musulman, il est monothéiste. Et donc, il lui reste que les grands péchés. Si il ne s'est pas repenti des grands péchés, il est sous la volonté d'Allah tabaraka wa ta'ala. Si Allah veut, il pardonne. S'il veut, il ne pardonne pas. Le non-musulman, il y a un sujet sur lequel il ne s'est pas repenti. Le shirk. Et ça, Allah ne le pardonne pas, ça. Donc le non-croyant, sa destination est l'enfer. Le non-croyant. Et ça, on va aborder ce sujet dans les détails, Inch'Allah ta'ala. Est-ce que le grand péché, si on ne s'est pas repenti, est-ce que pour qu'Allah le pardonne, il ne faut pas qu'il soit lié à quelqu'un d'autre? Alors, le grand péché, donc le fait que tu as accompli un grand péché qui soit lié à une autre personne. Par exemple, je vais parler sur quelqu'un. Ouais. Alors, les conditions du repentir du grand péché, parmi les conditions du repentir, il y a le fait d'effacer ou de réparer ton erreur. Si ce péché est lié à une autre personne, il faut absolument réparer ton erreur. Tu as parlé sur quelqu'un, alors tu t'excuses. Mais les savants, ils ont abordé ce sujet. Certains savants disent, il n'est pas nécessaire que tu ailles dire à la personne, j'ai parlé sur toi. Mais ils disent, ce que tu fais, c'est que, vu que tu as parlé d'elle en bien, en mal, eh bien là, tu vas parler d'elle en bien. Ça, c'est certains savants. D'autres savants disent, non, non, non. Il est impératif que tu t'excuses auprès de la personne. Il est impératif que tu t'excuses auprès de la personne. Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, donc, donnez leurs droits à ceux qui ont subi des injustices avant que vous ne vous retrouviez dans l'au-delà. Car là-bas, il n'y a ni dinar, ni dirham. Il n'y a pas ça là-bas. C'est hasanat et sayyat, bonne action et mauvaise action. Et donc ils te disent, il faut absolument que tu donnes son droit à cette personne, que tu ailles t'excuser. Que tu ailles t'excuser. Mais moi, ce que je conseille à mes frères, quand tu vas voir la personne, tu ne vas pas la voir en disant, ouais, Akhi, j'ai fait ça, j'ai dit ça sur toi, j'ai dit exactement ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça. Le conseil que je te donne, et que je me donne à moi aussi, quand ça arrive, Tu vas voir la personne, akhi, excuse-moi, barakallahu fik, j'ai parlé sur toi. J'ai fait quelque chose de bien, de quelque chose de mal te concernant, j'aimerais bien que tu me pardonnes, barakallahu fik. Khalas. Pas besoin de détailler. Si la, normalement, la personne, elle est censée avoir l'intelligence de ne pas demander qu'est-ce que tu as dit. Parce que demander qu'est-ce que tu as dit, ça peut avoir de lourdes conséquences. Et même si elle te demande, tu lui dis, c'est Alhamdoulilah, est-ce que tu me pardonnes, Akhi? Si j'ai dit quelque chose sur toi, est-ce que tu me pardonnes? T'as vu? Donc, moi, ce que je conseille, moi, il y a des frères qui viennent me voir, Akhi, j'ai parlé sur toi, Akhi, parfois c'est même par message. Akhi, est-ce que tu me pardonnes si j'ai fait quelque chose sur toi? Je dis, Alhamdoulilah, ça y est, c'est terminé, je ne demande pas plus. Je ne demande pas plus. Alhamdoulilah. Même la personne ne s'est pas excusée, je vous le dis d'avance, toute personne qui a parlé sur moi injustement est pardonnée d'avance, même pas besoin de t'excuser. Même pas besoin de t'excuser. Parce que c'est ça que notre religion nous appelle à nous pardonner mutuellement. Qui d'entre nous ne fait pas de péché? Qui d'entre nous ne fait pas de péché, les frères? On fait tous des péchés. Et donc moi, j'aimerais que Yawm al-Qiyama, Allah tabaraka wa ta'ala me pardonne de la même façon que j'ai pardonné à mes frères. On continue, mashallah. Donc, alors l'auteur, il nous dit, rahimahullah, donc Allah tabaraka wa ta'ala pardonne les petits péchés, ça on a déjà vu. Et ensuite, il nous dit, et il a placé donc celui qui a accompli les grands péchés, qui ne s'est pas repenti, sous sa volonté. Si Allah veut, Allah pardonne, et sinon il ne pardonne pas. Il dit, certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui accorde quelconque associé, mais il pardonne en dessous de cela pour qui il veut. Donc comme on l'a déjà cité précédemment, à la page d'après, la page 20, toujours le même sujet. Ça fait combien de temps? Mashallah. Le temps passe vite. Il nous dit l'auteur, rahimahullah, et celui qu'il châtie par son feu. Donc la personne qu'Allah va châtier par son feu. Parmi les croyants, attention, entre parenthèses, parmi les croyants, il l'en fera sortir par sa foi. Celui donc parmi les croyants qui a des grands péchés qu'Allah n'a pas pardonné et que la personne entre dans le feu, Allah tabaraka wa ta'ala lui en fera sortir par la foi. Et par celle-ci, il le fera rentrer dans son paradis. Et c'est par cette même foi qu'Allah tabaraka wa ta'ala fera la personne sortir, rentrer dans le paradis. Quiconque accomplit ne serait-ce que le poids d'un atome de bien le verra. Donc toute personne qui accomplit le poids d'un atome de bien le verra. Ici, concernant le terme atome, on va avoir une divergence dans la traduction par rapport au mot dhara. Donc certains vont dire que c'est l'atome, et d'autres vont dire non. Dhara, dans la langue arabe, ce qui est voulu ici, c'est la petite fourmi. Pourquoi? Parce que l'atome n'était pas connu à l'époque. L'atome n'était pas connu à l'époque. Mais dans la langue arabe, le terme dhara s'applique sur la petite fourmi. Donc, Allah tabaraka wa ta'ala, comme on a dit précédemment, il ne fait injustice à personne. Et donc celui dont ses péchés sont supérieurs à ses bonnes actions et qu'Allah tabaraka wa ta'ala ne lui a pas pardonné ses péchés, alors cette personne rentre dans le feu. Cependant, la personne ne va pas rester éternellement dans le feu. Le croyant, il ne restera pas éternellement dans le feu. Et ce sujet, c'est le sujet de celui qu'on va appeler en islam el-fasiq el-milli, c'est-à-dire le croyant transgresseur. Celui qui meurt en étant croyant transgresseur. Et donc, il y a des péchés, donc une personne qui fait des grands péchés et qui rentre, et qu'Allah n'a pas pardonné, donc cette personne rentre dans le feu avant de rentrer au paradis. Ici, on a deux groupes qui ont dévié. Le premier, El-Wa'idiyya. Al-wa'idiyya qui vient du terme wa'id, wa'id, menace. Menace, c'est-à-dire que c'est un groupe, ils se sont accrochés au texte qui montre la menace, le châtiment, la punition. Ils se sont accrochés à tous ces textes-là. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit dans son livre: wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadaba wa ghadiba Allah 'alayhi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adaban 'alima. Azima, excusez-moi. Et donc celui qui tue un croyant de manière intentionnelle, alors sa rétribution sera l'enfer éternel. Et Allah tabaraka wa ta'ala, il encourra la colère d'Allah ainsi que sa malédiction, et Allah a préparé pour lui un châtiment, un énorme châtiment. Sourate An-Nisa, le verset numéro 93. Verset 93. Et donc ce verset montre que la personne qui tue quelqu'un va dans le feu. Alors eux, ils se sont accrochés sur ce genre de verset, accrochés à ce genre de verset. Et ils disent: et donc celui qui fait un grand péché, comme le fait de tuer, va forcément dans le feu, et cette personne sort de l'islam. Ça c'est Al-Wa'idiyya. Ils disent: dès que tu fais un grand péché, tu sors de l'islam. Tu fais un grand péché, tu sors de l'islam. Al-Wa'idiyya se divise en deux. On a Al-Khawarij, ceux qui disent la personne sort de l'islam, ici-bas elle sort de l'islam. Ici-bas, elle n'est plus musulmane. Et on a Al-Mu'tazila. Al-Mu'tazila, ils disent ici-bas, la personne qui fait des grands péchés, elle est entre les deux. Elle n'est pas mécréante, elle n'est pas croyante. Elle est entre les deux. On ne peut pas dire qu'elle est mécréante, on ne peut pas dire qu'elle est croyante. Mais par contre, dans l'au-delà, avec les gens du feu, dans l'enfer. Et donc, ils sont tous d'accord sur le fait que tu fais des grands péchés, tu vas forcément dans le feu, c'est fini. Pourquoi ? Ils se basent sur ce genre de verset. Le verset où Allah tabaraka wa ta'ala menace ses serviteurs: celui qui tue un croyant éternellement, alors sa rétribution est qu'il ira dans le feu. Éternellement. Il se base sur ces versets-là pour dire: et donc le grand péché fait que tu vas dans le feu. Oui. Ça c'est la croyance, ce que tu viens de lire, c'est la croyance des gens de la Sunna. Là maintenant, ce que je viens de te citer, c'est la croyance de groupes qui ont dévié. Al-Wa'idiyya. D'accord ? Eux, ils ont dévié. Et donc, les Khawarij, eux, ils disent que la personne, dès qu'elle fait des grands péchés, elle sort de l'islam. Et c'est pour cela qu'ils nous disent: il n'y a pas de gouverneur musulman. Et le Mu'tazila, c'est celui qui fait des grands péchés. Il n'est pas musulman, mais il n'est pas croyant. Il n'est pas mécréant, mais il n'est pas croyant. Ici-bas, mais dans l'au-delà, il est avec les koufars, avec les mécréants, dans le feu. D'accord ? Et donc, ce sont les Khawarij, eux, surtout à notre époque, ils se concentrent beaucoup sur les gouverneurs. Si un gouverneur fait un péché, ça y est, il n'est pas musulman. Il n'est pas musulman. Eux, ils ont le droit de faire des péchés, mais pas les gouverneurs. Et donc, pour justifier leur liberté. Exactement. Exactement. Et c'est, comme on a dit précédemment aujourd'hui, ils ont d'abord une croyance qu'ils vont établir, et en fonction de cette croyance, ils vont chercher des preuves. D'accord ? Mais on va expliquer tout cela. Donc le premier groupe, on a donc Al-Khawarij, on a aussi donc Al-Mu'tazila. Alors, La croyance des gens de la Sunna est que cette personne, elle ne sort pas de l'islam. Et que les péchés que la personne fait ne fait pas la personne sortir de l'islam. Ce qui va faire la personne sortir de l'islam, c'est le shirk. Les péchés que la personne fait ne la fait pas, ces péchés-là ne font pas la personne, ne font pas la personne sortir de l'islam. Les grands péchés ne font pas les gens sortir de l'islam. Et concernant le musulman qui tue un musulman intentionnellement, Allah Tabaraka wa Ta'ala a dit aussi dans son livre, alors celui dont son frère lui pardonne. Celui qui est pardonné concernant son frère. Et donc vous savez donc que le tueur, donc celui qui va tuer une personne, on va demander donc à la famille du mort, est-ce qu'il pardonne le tueur? Et donc ici, Tabaraka wa Ta'ala, il a nommé le tueur, il a dit qu'il est le frère du tué. Et donc, il est son frère, c'est-à-dire? Ça veut dire quoi, il est son frère? C'est un croyant comme lui. Et donc, il n'est pas sorti de l'islam. Il n'est pas sorti de l'islam. Les grands péchés qu'une personne va accomplir ne la fait pas sortir de l'islam. La personne, lorsqu'elle va légiférer ce qu'elle fait, là, c'est autre chose. Il est permis de tuer en islam. Il est permis ici. Là, la personne se met à donc faire des lois en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et ça fait sortir l'islam. Par contre, le fait de faire le péché, non. Si la personne te dit l'alcool c'est licite en islam, ça c'est quelque chose qui fait sortir l'islam. La personne te dit je vends de l'alcool, je sais que c'est haram, je vends de l'alcool, ça ne la fait pas sortir de l'islam. D'accord? Donc les grands péchés d'une personne ne la font pas sortir de l'islam. Juste je finis ça parce que le temps passe vite. Et concernant celui qui boit de l'alcool, justement, alors on a dans Sahih al-Bukhari, Abu Huraira radiallahu anhu, qui dit qu'un homme qui buvait de l'alcool, un croyant a dit concernant cet homme, un croyant a dit « Erzek Allah, qu'Allah t'avilisse, qu'Allah t'avilisse. » Alors là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « La takounu aounan li shaitani ala akhikum. » N'aidez pas le diable face à votre frère. N'aidez pas le diable face à votre frère. Et donc le fait qu'il boit de l'alcool ne le fait pas sortir de l'islam et ça reste ton frère. Exactement. D'accord? Il reste musulman. Barakallahu fikoum. On va arrêter là et on reprend dans quelques minutes, inshallah ta'ala. Wa faqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa arda wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi. وصحبه اجمعين جزاكم الله خيرا